Comment tu vas faire Sophie en 10 minutes? Franchement, Alexis. Un quart d'heure. Honte à toi. Ouais, je sais, je sais. On a fait une erreur. En direct, en direct, on va vous dire à quel point on a fait l'erreur. En fait, on a fait une erreur de passer autant de temps sur livre, mais c'était à la fois le sujet. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu embêtant, c'était un peu problématique. J'ai pas passé. Je peux regarder, hein. J'avais beaucoup plus de questions pour Stéphanie aussi. Hein, il sort ses feuilles. Il y avait de quoi faire. Donc, moi aussi, je suis comme toi. Au lieu de t'excuser, parle. Interroge Sophie, dépêche-toi. Je me fais engueuler en direct. Ça, je réponds en direct. Elle est vide. Sophie. Oui, Alexis, je t'écoute. Donc, Sophie, elle a fait la poudrière. Ouais. 2003-2005. Une année. Une belle année, est-ce que ouais, c'est une belle année, une belle promo, ouais, ouais, c'est vraiment. Important d'être ouais. avec Guillaume Delaunay, Rémi Chaillet, Olga Marchenko, voilà, Anne-Laure Totaro. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de monde qui sont passés par cette année-là. Et le premier film. Enfin, en tout cas, pourvu qu'il me laisse le temps. Oui. J'ai trouvé ça génial comme titre pour un film d'une minute. J'ai presque fait exprès. Ouais, en fait, c'est adapté. C'était un petit film d'une minute, effectivement. L'exercice, c'était de faire un film d'une minute. C'est toujours le même exercice qu'on donne aux étudiants de première année de la poudrière. Et j'avais choisi d'adapter un poème de Boris Vian qui s'appelle « Le temps de vivre ». Et il y a un refrain qui revient dans ce poème qui est « Pourvu qu'il me laisse le temps ». Et c'est vrai que ouais, voilà, la phrase était très longue et très belle aussi. Et je l'ai finalement choisie pour titre. Je pensais d'ailleurs laisser le poème dans le film et finalement, qu'on allait l'entendre. Ouais. Et puis, c'est tellement imagé que justement, finalement, il y avait juste les images. Il y a la rencontre. Est-ce que la rencontre avec Jean-Pierre Lemoulin? Qui organise, enfin, il y a toujours des intervenants. Oui, qui comme intervenant ça, dans la poudrière régulièrement. Un peu plus tard, en tant que producteur, enfin. Oui, c'est vrai que c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Et d'ailleurs, il était intervenu sur cet exercice de film d'une minute, et c'est vrai qu'on avait eu un bel échange à ce moment-là. Et ensuite, après l'école, je me suis installée quelques années en Bretagne, dans le Nord Finistère, et j'avais recroisé Jean-Pierre Lemoulin à ce moment-là, qui se souvenait de moi. J'avais vraiment sous le coude à ce moment-là mon petit scénario des escargots de Joseph que je lui ai montré et des photos des marionnettes. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Donc c'est papier découpé, le film d'une minute. Oui, c'est le premier film d'une minute, c'est en papier découpé, ouais. Les petits gars. Les petits gars, c'est mon film de fin d'études. Ouais. Et par contre, c'était en marionnette. Pourquoi le changement C'est vrai que l'animation, moi, ce qui m'a amené à l'animation, c'est vraiment la marionnette. J'avais commencé, quand j'avais 17-18 ans, à faire des petits films en Super 8 en marionnette. Et c'est après avoir découvert les films de Yuri Norstein que j'ai eu envie un peu d'expérimenter le papier découpé. Et pourvu qu'il me laisse le temps, c'était... Ouais, voilà, je venais de découvrir un peu son... Il y a un petit clin d'œil d'ailleurs. Enfin, à un moment, il y a l'homme qui est traqué là dans le film, qui regarde les arbres et qui tournoie autour de lui. Et bon, voilà, il y a un petit clin d'œil aux Hérissons dans le brouillard, mais bon, c'est. c'est vrai. Bon, c'est vrai, voilà. Les petits gars, si j'ai bien le bizarre, le rein de la poudrière, à Nick Tenage, il n'y a pas longtemps, c'est que. Un film n'a pas autant tourné que ça en festival. Non, du malheureusement, tout. Pas du tout. On ne peut plus le voir sur Internet. Peut être bien pour ça. Il n'est même pas sur des DVD. Enfin, il est sur rien. Ouais. On est d'accord, ça se passait dans une ville. Ouais, ça se passe dans une ville où il y a un pouvoir oppressant. Et ils essayent de. Il y a des petits personnages. Et en fait, voilà, il y a un couvre-feu et il y a des gens qui se retrouvent dans un théâtre et qui décident de réveiller un petit peu les consciences. Ouais. Et alors, ce qui est étonnant, c'est donc on a un film là assez politique, enfin en tout cas sur qui se passe dans la ville. C'est le seul. En fait, les trois autres. Et dès le premier, il y a les arbres comme obsession, il y a la nature. En fait, il y a un thème commun et c'est marrant parce que je me suis rendu compte, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qu'effectivement, je les trouve très différents, les films que je fais. Mais il y a un thème qui revient, c'est le thème de la liberté, en fait. Voilà, donc pourvu qu'il me laisse le temps, c'est quelqu'un qui s'échappe, en fait, qui est rattrapé. Qui va finir tué comme ça au bord d'un lac. Mais voilà, qui vit les derniers instants de sa vie, qui en profite, qui est libre une dernière fois. Et mon film Canal J aussi, le petit garçon qui veut être funambule, c'est aussi un petit garçon qui a envie d'être libre et qui n'a pas forcément envie d'écouter ce que disent les parents, ce qu'attend la société de lui. Les petits gars, c'est une... pareil. C'est plus évident, ouais. Ouais. C'est, les escargots de Joseph, c'est qu'un petit garçon qui se libère aussi quelque part de sa timidité. Mais c'est marrant, mais ça, je le dis, j'en avais pas du tout conscience. C'est quelqu'un qui me, je répète en fait, que l'analyse qu'on a pu faire de mes films. Et l'oiseau cachalot, bah ouais. Il y a c'est... ça, mais il y a aussi, moi je trouve que il y a vraiment un rapport à la, à encore une fois, à la nature ou qui est assez, ouais, assez forte. Les, c'est vrai aussi. Ce ouais. moment où il tombe. Avant de vivre ces derniers instants, il tombe dans un tas de feuilles qui va humer, dans l'eau qui va la paix, enfin voilà, il va toucher, il va avoir ça. Dans l'oiseau cachalot, il y a ce très bon moment où vrai. Il tombe dans les feuilles. C'est vrai. Et, il y a ce plaisir d'être aussi dans... Et c'est vrai qu'on retrouve la scène des feuilles. C'est pareil, c'est un ami aussi qui m'a dit « Tiens, mais il y a des scènes qui se répètent dans ce que tu peux faire. » Et ouais, effectivement. Donc ça, ouais. ça vient d'où ? T'es née à la campagne. Moi, je suis grandie dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, c'est ça, il y avait... Ouais, je... Non, c'est vrai qu'en plus, j'aimais bien sauter dans les tas de feuilles petites. Voilà. Effectivement, j'ai des souvenirs. Rappelez-vous qui vous étiez, non, mais... retravaillez vos obsessions. Effectivement, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, enfin bon, voilà. quand tu sors, il y a, pourvu qu'il me laisse le temps, les petits gars, quand tu sors à ce moment-là de la poudrière, il y a un long moment sans animation, il y a quand même de l'animation sur d'autres films. Sur d'autres films, ouais, j'ai travaillé un petit peu sur des films institutionnels, réalisés par Pierre-Luc Grandjean notamment. J'avais fait un petit peu d'animation sur After Effects, sans papier découpé, mais voilà, animé par ordinateur. Un petit film de commande pour le musée d'Annecy, mais qui n'a rien à voir avec le festival. Ça parlait des cités lacustres avec des hommes. Enfin voilà. Il y a eu ça. Et puis surtout, oui, quand même, on a travaillé. En fait, on était trois de la promo, là, Émilie Sangelin, Aurélie Charbonnier et moi, à avoir travaillé sur un exercice d'école qui consistait à adapter un livre pour enfants et à en faire un concept de série. C'était un des exercices de l'école. Et ce bouquin, c'était Ariole, en fait. D'accord. Un petit âne bleu à lunettes qui est écrit par Emmanuel Guibert, illustré par Marc Boutavant. Et en fait, il se trouve que les éditions Bayard avaient été intéressées par le travail qu'on avait fait. On avait rencontré les auteurs et finalement, Folimage avait proposé de faire un pilote pour cette série Ariole. Et on était plus que deux réalisatrices du coup, puisque Aurélie est partie après à Londres. Mais avec Émilie Sangelin, on a co-réalisé le pilote. Et ça, c'était 2006, donc c'était l'année après, en D'accord. fait, La Poudrière. Mais celle qui est restée ensuite sur la série, finalement, toi, t'es pas... Moi, je me suis rendu compte que la série, c'était pas trop mon truc. Surtout là, c'était, ce qui me plaisait pas trop, c'est que c'était pas très créatif, finalement. C'était adapté à un livre où l'univers était déjà prédéfini, les histoires étaient déjà écrites aussi. Et bon, je me suis pas trop retrouvée. Et puis j'ai commencé à écrire le scénario des escargots parallèlement. Et puis quand j'ai vu que j'avais réussi à avoir les financements, je suis partie faire mon court-métrage et j'ai abandonné Ariole à Émilie, mais qui s'en est super bien sortie. Oui, et puis c'est bien, voilà. Parce qu'on a eu les escargots de Joseph, donc c'est plutôt bien. Les escargots de Joseph, c'est un petit garçon qui a une obsession... Sur les escargots. Ouais. Et ouais. L'escargot, évidemment, représente la timidité, retourner dans sa coquille. Est-ce que c'était une évidence, c'est de l'animation et on peut jouer sur l'image comme ça et dans tu t'es dit timidité, escargot? Ou est-ce que tu l'as vu après? Comment s'est passé l'écriture? C'est assez bizarre la façon dont j'ai écrit ce film. J'avais l'impression que c'était plein de choses que j'allais pêcher. Enfin, j'allais pêcher des idées, puis finalement, c'est devenu... C'est devenu quelque chose de cohérent. Enfin, même en écrivant le scénario, ça m'étonnait. Même quand j'ai pensé à cette espèce de tour de Babel, c'est vrai que je pense, en forme d'escargot. Puis après, j'ai relu le mythe de la tour de Babel. Et c'est des gens qui arrivent plus à communiquer, qui communiquent plus entre eux. Et ça avait un lien. Enfin, c'était assez bizarre. J'ai l'impression presque d'être rattrapée un peu par ça. Mais en fait, les escargots de Joseph, c'est venu vraiment d'une marionnette que j'ai construite. Et finalement, même dans mes filles, je me rends compte que ça vient souvent d'une image ou d'une marionnette que je peux faire plus que d'idées. La page blanche, moi, j'arrive pas, quoi. J'ai vraiment du mal avec ça. Et j'ai l'impression que là, mon cerveau se libère quand je suis en train de faire des trucs avec mes mains et que là, c'est parti et qu'il y a des choses qui m'étonnent et que bon, voilà. Donc la petite marionnette de Joseph est venue en premier, c'était celle-là? Ouais, c'était une marionnette, alors pas celle de Joseph, mais une marionnette en forme d'escargot. C'est un homme en forme d'escargot et c'est vrai que j'avais envie de traiter d'une histoire où il y ait une histoire de métamorphose. Ça, c'est vrai que j'avais envie de... de parler de ça, puis d'un monde un petit peu absurde aussi. J'avais relu notamment tous les tomes de Philémon, de Fred, dont je suis une grande fan, et de voilà, j'avais envie de proposer un monde un peu absurde comme ça, avec les nombrilistes. Et puis petit à petit, je me suis dit, bon, ça serait bien quand même que voilà, un petit garçon assiste à ce monde, enfin rentre dans ce monde et soit le témoin en fait de ce monde un peu fou, etc. Mais qu'on s'identifie du coup plus au petit garçon que à ces hommes nombrilistes. Et voilà, donc c'est venu un peu comme ça. Il y a eu aussi l'influence de Buster Keaton pour le petit personnage de Joseph. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Joseph. C'était le vrai prénom de Keaton. D'accord. Bon, voilà, c'est en lisant un bouquin que j'avais vu ça. Je cherchais un prénom, je me suis dit bon, allez Joseph. Et parce que ouais, je trouvais ça. Enfin, je relisais les Philémon, Fred. Je revoyais les films de Keaton et puis je pense que je sais pas pendant mon sommeil ça devait s'agencer un peu et puis. Et puis après, ben, j'arrivais à écrire et j'arrivais à tout mettre un petit peu ensemble et finalement trouver une espèce de forme à peu près cohérente. Enfin, j'espère en tout cas. Mais c'est drôle parce que quand tu racontes ça, on a l'impression de quelque chose. C'est le réalisateur de Fast Film qui dit ça et qui dit truc en papier découpé, etc. Il disait bah, la nuit, je laissais reposer. Puis on va... Alors que toi, mais parce que son film joue beaucoup sur voilà, l'émotion, enfin sur le côté hollywoodien. Donc on joue sur des. Toi, ça apparaît tellement d'une fluidité. Pourtant, j'avais pas l'impression du tout. Hein. C'est vraiment bizarre. Mais après, oui, ça m'est. Enfin, il y a vraiment un jour, je me suis dit, ça y est, ça devient cohérent. Ça y est, je vois où je vais. Quoi. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu ces idées-là. Mais ouais, c'est. Ouais. C'est drôle de travailler les dialogues. Comment ? De travailler les dialogues. C'est compliqué quand on se met au dialogue. Parce que dans Les Petits Gars, il y avait. Non, pas oui, de c'est vrai. C'est vrai que j'ai. Ouais, Les Escargots, j'ai eu un petit peu de mal pour écrire les dialogues. Au début, d'ailleurs, je voulais que ce soit un film vraiment sans dialogue. Et puis, bon, le monde du nombril où les gens se parlent à eux-mêmes, il fallait bien quand même. Et là, je me suis amusée à écrire quelques phrases, mais c'était pas évident. Et ça m'arrangeait bien que ce petit garçon parle pas, en fait. Ah oui, mais heureusement que les autres parlent. Moi, je trouve que ça donne un contrepoint, justement. Et oui, extraordinaire. Et puis ça rend évidemment plus fort le moment où, justement, il va se libérer et parler, enfin, dire deux mots, il dit un peu à la fin du film. Mais ouais. Voilà. Donc, il y a la Statue de la Liberté qui montre. L'horloge pour me dire il faut, alors qu'on est pris en photo de tous les côtés. Pour l'oiseau cachalot, c'était une commande des éditions Corridor, c'est ça, ils sont venus te voir en disant... C'est une proposition, alors je connaissais déjà François et Sandrine, puisque bon, j'avais traîné un peu du côté de Folle Image pendant un moment, et François voilà, m'a proposé de participer à sa collection de livres DVD, après Pierre-Luc Grangeon, L'Enfance en bouche, et Samuel Ribeiron qui a fait Beau Voyage. Et à ce moment-là, ben, j'arrêtais pas de faire des illustrations. Il y avait un gros oiseau qui revenait, voilà. Et du coup, ben, il m'a proposé de partir sur ce thème-là. Et effectivement, j'ai commencé à écrire l'histoire du livre. Et ensuite, je suis partie sur le film. C'est quoi là le plus de plaisir de travailler sur les illustrations ? Parce que tu travailles aussi sur des illustrations de livres, de textes qui n'ont pas forcément les tiens, ou quand même. Le cinéma. Alors en fait, c'est vraiment mon premier travail d'illustration, L'Oiseau Cachot, parce que ces livres-là sont venus après. D'accord. Voilà, avec un autre éditeur, On Fait Culture. Et j'avais envie, depuis longtemps, de me lancer un peu dans l'illustration. Et puis, en voyant le nombre d'illustrateurs, justement, tu parlais de Montreuil, j'étais un peu... Et là, voilà, faire un livre DVD, bah, pour moi, c'était super, parce qu'à la fois, je pouvais faire un film et en plus, me lancer un petit peu dans un premier travail d'illustration. Donc voilà, c'était l'envie, oui, quand même, de faire un livre. Ouais. C'était L'Oiseau Cachalot. C'est dommage que ces films ne sont pas, la plupart ne sont pas visibles. Mm. Est-ce que quand on fait un film, alors que je vous encourage à commencer à vous préparer à sortir, parce qu'on va sortir pour la prochaine émission, on ne fera pas de générique, évidemment, Nicolas, mais ça, je crois qu'on a... Il a l'habitude, je pense. On ne passe jamais de générique de fin, je pense, hein, on n'a jamais passé de générique de fin. Et L'Oiseau Cachalot, vous pouvez l'acheter. Oui, alors justement, est-ce que, alors là, on parle de distribution, L'Oiseau Cachalot par exemple, alors, il est sur internet ou Il faut le commander sur le site des éditions Corridor, et sinon il y a une librairie là qui va bientôt en avoir un petit stock, c'est la librairie Texture dans le 19e arrondissement qui est avenue Jean Jaurès, voilà, qui va en avoir un c'est petit un stock. C'est un très beau petit livre, ça vaut le coup. C'est vraiment bien. Avec un style on en reparlera. Les 59. Merci. Il est 59, monsieur. Et donc, regarde ici, viens voir, rentre. On est comme ça. Non, mais viens. Viens. Pour qui est-ce que non. Sonne la 7. Si. Donc voilà, il est 7h et on laisse, évidemment. Et vous pouvez envoyer vos manuscrits, car... N'hésitez pas. Voilà, on en reparlera tout ça. On merci beaucoup tout mars. Le monde d'être venu. Merci Florentine. Et on reviendra pour Yann Anchal. Merci infiniment à tous. Et donc, à dans un mois. Merci.